Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus et évidemment, je ne suis pas seul avec moi aujourd'hui. Mes deux comparses habituels qui sont pas capables de pouvoir définir les pronostics des séries en cours en playoff. Salut Vincent, salut Rémi. Salut tout le monde. Malheureusement, on n'est pas devin, c'est incroyable. Hello tout le monde, moi je pense qu'on a porté malheur sur les équipes sur lesquelles on a donné nos pronostics tout simplement. Bah non, mais au final ça donne des séries plus serrées, c'est mieux pour le spectacle. Regarde, nous Miami on a gagné les deux matchs à la maison, qui s'y attendait? Personne. C'est vrai, c'est vrai. C'est magnifique. Du coup, cette semaine nous revenons sur la deuxième semaine des demi-finales de conférence. Sortez de votre lit, faites couler le café, le reste on s'en occupe, c'est parti. Alors les gars, comme chaque semaine, nous allons commencer à l'Est et nous prenons tout de suite la série qui oppose du coup Miami et Philadelphie. 3-2 pour Miami. Miami qui a pris le match 5 cette nuit en mettant une grosse branlée de 35 points à Philadelphie. Et du coup, est-ce qu'on peut notifier que dans cette série, Miami se qualifiera parce que chaque équipe va gagner à domicile? C'est pas impossible. C'est même fort probable que les équipes lâchent pas de match à domicile. Miami, ils ont pas perdu un match à domicile depuis le début de ces playoffs. Ils sont invaincus à domicile depuis le début. On sait très bien que, en plus de ça, voilà, comment ils jouent, le public quand ça pousse, c'est compliqué. Après, moi, je m'attendais vraiment pas à ce que Philly prenne les deux chez eux. Bah personne. Moi, avec le retour d'Embiid, on savait que du coup, bah, ça allait pas du tout être les mêmes matchs et que forcément, Philly, sur le papier, bah, c'est beaucoup plus fort quand il y a Joel Embiid, quand il y a ton MVP. Même un mauvais Joel Embiid. Ouais, ta gueule. Petite blague parce que Jokic, du coup, a été nommé MVP. Ouais, mais il n'est pas au second tour des playoffs. Félicitations à lui. Voilà, GG à lui. Non, trêve de mauvaise foi, évidemment, c'est mérité pour Nikola Jokic. Hein. Parce que je suis fan de Philly, mais c'est mérité pour les trois finalistes en fait. Les trois l'ont réussi. Ouais, tout à fait. Les trois l'ont réussi, c'était pas un scandale, on est d'accord. Donc, de toute façon, ils l'ont donné à Jokic, ça fait deux fois de suite. Bon, c'est pas très grave. Mais du coup, oui, quand Embiid revient, forcément, tu te dis que Philly, ça va forcément être plus fort. Mais en fait, tu te dis, le mec, il joue avec un masque, machin, il joue avec un doigt cassé. Bah, au final, en fait, bah, écoute. Et donc, du coup, bah, au final, ça fait deux victoires pour Philly et ils reviennent dans la série. Bon, cette nuit, ils ont pris une grosse branlée, mais c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est à l'extérieur. Oui. Après, mais c'est quand même une grosse branlée. Hein. Ah, mais après, tu vois, sur le match de cette nuit, alors c'est pas une excuse, mais un petit coup de gueule sur les arbitres qui ont un peu trop eu le sifflet facile sur toutes les pénétrations de Jimmy Butler. Certaines étaient vraiment avec des fautes, certaines un peu moins. Et en playoff, quand t'as 20 points d'avance, t'essayes de durcir un peu le sifflet. Enfin, ça me semble un peu logique de pas tout siffler non plus. Enfin bref, c'était juste ce que j'ai remarqué sur l'analyse du match, parce qu'au final, côté Philly, il n'y a pas grand-chose à analyser sur ce match, juste personne n'était dedans. Même Embiid en défense, on n'était pas là, et puis en attaque, on rentrait pas les tirs. J'ai l'impression qu'on a retrouvé le Philly des deux premiers matchs. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur les deux premiers matchs où Miami gagne 2-0, Embiid n'était pas là et il y avait aucune motivation côté Philly, il y avait aucun hustle, c'était assez triste. Quand Embiid est revenu, Embiid masqué, donc il y a eu, c'était vraiment le retour du patron et toute l'équipe s'est pliée à la règle. Ok, il y a le patron qui est là, les gars, maintenant let's go, on y va. Et là, il y avait un vrai hustle, il y avait une vraie énergie, c'était chouette. C'était chouette, mais en fait Embiid, on l'a vu sur le match 3 et 4 que Embiid offensivement n'est pas aussi impactant du fait de ses deux blessures. Par contre, défensivement, il a été monstrueux. Ouais, c'est ça. Dans la production, il n'avait pas été incroyable. Le match où il revient, je crois, il met 18 ou 19 points. Enfin, ouais, pour Embiid, c'est pas incroyable. Mais en soi, le nombre d'actions défensives qu'il fait, le nombre de motivations qu'il fait, où il bouge l'équipe, il motive tout le monde, etc. Enfin, c'était un vrai patron sur le terrain. Donc la production n'est pas forcément incroyable, mais on voit vraiment qu'il était présent et ça s'est vraiment ressenti. Et là, sur ce Game 5, même Embiid, il a commencé à baisser les bras. Le fait de ne pas avoir le MVP, je pense, ça l'a dégoûté. Il a baissé les bras, toute l'équipe a suivi. Et sur le match, il me semble que c'est le match 3... où il met que 18 points, comme tu dis, mais son équipe, ils encaissent que 79. Ouais, énorme défense. Donc en fait, du coup, l'âme défensive, c'était Joel Embiid, tu vois, donc derrière, ça a suivi et ça a fait le taf, encaisser moins de 80 points en playoff. Ouais. C'est quand même les playoffs, on sait que ça défend plus dur qu'en saison régulière. Franchement, GG à Philly. Là-dessus, clairement, c'est vrai que ça s'est ressenti. Et puis pour le match 4, on était sur un autre scénario. C'est juste que Philly a bien mieux attaqué que l'a fait Miami. Parce que là, défensivement, c'était encore autre chose. On est sur un match du coup à 116-108, donc encore un match serré. Mais c'est juste que Philadelphie a rentré plus de shoot, bien joué à eux. Et on a retrouvé un bon Harden ce soir-là. Ouais, c'est ce que j'allais dire, avec un Harden encore une fois plus que correct. Et là, sur ce Game 5, Harden qui a pris que 11 shoot, encore une fois, ou 13, enfin. Très peu, enfin pas assez en tout cas pour un Harden. Un Tyrese Maxey qui a été entièrement effacé, qui a fini à 2 sur 10 au shoot. Ça, c'est. Catastrophe. Voilà, c'est son premier match sans en fait, des playoffs, hein, globalement, parce que c'est quand même le leader par points du côté de Philadelphie sur la série. Mm. C'est, ça, on peut, ça peut lui excuser, hein, il est sophomore. Donc, Mais surtout, on a un Jimmy Butler qui est incroyable en face, côté Miami. Ah oui, clairement. Côté Miami, Jimmy Butler, c'est peut-être. Allez, j'ai pas envie de donner de chiffres comme ça, mais il est sur le podium, il est dans les trois meilleurs joueurs de ces playoffs pour le moment. Ouais. Très clairement. Oui, il est incroyable. Aussi bien offensivement que défensivement. Il est des deux côtés du terrain et il est juste trop fort. Il déroge pas à ses principes. En plus de ça, c'est clairement le patron. L'équipe le suit. Bam Adebayo qui fait une bonne série également. Tyler Hero, il a eu des matchs sans, il a eu des matchs avec. Mais quand il y a des matchs avec, bah en fait, Miami, c'est trop fort. Mm. Et voilà, en fait, l'équipe est complète. Miami, ils ont mis 35 points sur Philadelphie cette nuit. Et là, sur le Game 6, dans un moment de temps pareil, Philadelphie, donnez-nous des répondants, mais j'y crois pas. Ah, moi, j'y crois au Game 7. Ah ouais? Ok. Par contre, moi j'y crois aussi. Moi j'y crois aussi parce que du coup ça va être à Philly et enfin le game 6 va être à Philly là. Et donc du coup pour moi si on suit, ça me choquera pas qu'il y ait un game 7. Après vu les pronos que je donne depuis le début de série, au final il y aura pas de game 7 mais ça va être terminé. Non, mais... Parce qu'au final du coup à dire que des conneries comme ça, bah forcément. Ça... donc oui mais après. Pour moi, Miami va quand même passer au cran au-dessus. Et vu que nos pronos sont éclatés au sol, bien joué Philadelphie d'aller en finale de conférence. En finale NBA. Non, je pense quand même que Miami va passer en finale de conférence. Oui. Je pense quand même. Et du coup, à votre avis, qui elle ira affronter en face? Il y a Milwaukee ou Boston. Série égalité à 2-2. Match cette nuit. Match 5, très important, on le sait. Se déroulera à Boston ouais. Au TD Garden. Les gars, est-ce que qui vous voyez prendre ce match 5? Et si vous voulez dire une petite analyse sur ce que vous avez vu des 4 premiers matchs, c'est parti, allez-y. En fait, franchement, je sais pas du tout. En fait, la série, elle est beaucoup trop indécise pour dire un... C'est vraiment compliqué de donner un gagnant sur cette série. Tant Boston peut être extrêmement fort et tant Giannis peut être tellement dominant en fait. C'est ça. Et en fait, c'est incroyable parce que si Giannis est dans son match et domine et après, il fait quand même toujours des stats. Enfin, on le sait, il va envoyer des 25 points même s'il n'est pas terrible. Mais en fait, c'est vraiment s'il domine sur un match, Milwaukee, ça perdra pas. Par contre, si sur un match attends, ça contredit le match 4 parce que Giannis est en 34-18-5 et il perd quand même. Après, en face, Horford fait un match de ouf. Et le souci de Giannis, de toute façon, lui, on sait qu'il fera toujours ses stats. Oui. Mais par contre, c'est les lieutenants en fait autour qui sont hyper importants. Et si les lieutenants sur les matchs ils sont pas là, c'est compliqué. On sait que sur le dernier match, là, Horford a été incroyable. Il a envoyé 30 points. Il a défendu comme un malade mental sur Giannis. Un énorme poster sur Giannis. Mais en fait, et du coup, c'est des mecs à Boston. C'est pour ça qu'en fait, on peut pas. Enfin, moi, j'arrive vraiment pas à déterminer quelqu'un dans cette série qui va gagner ou pas. Parce qu'en fait, c'est trop indécis dans le sens où Boston, ils ont tellement une force défensive pour stopper Giannis. Pour moi, en fait, c'est limite la seule équipe qui pourrait stopper Giannis Miami. Au final. Il y a Miami. Ils l'ont montré il y a 2 ans. Ils peuvent le faire. Ils sont encore plus armés que... Bon, l'an dernier, ils ont pris un sweep. Hein, mais ils sont encore plus armés qu'il y a 2 ans. Middleton n'est pas là. On ne sait pas comment est-ce qu'il va revenir. Si jamais les Bucks passent, et que Miami passe, bien sûr. J'aimerais beaucoup voir la série parce que je pense que Miami, défensivement, peuvent mieux gérer Giannis que le fait Boston. Alors que Boston le fait déjà très très bien. Attention. Hein. Boston le fait extrêmement bien. Donc ils ont une défense collective qui est incroyable, mais ils envoient du coup à leur forte dessus en, bah, des, fin, à chaque fois dès qu'il est sur le terrain. Et petite stat assez sympa, Giannis, face à Al Horford en 1v1, il est à 30%, 15 sur 49. Ah oui. Donc le travail fou de Al Horford, qui pour moi, je me permets de le dire, est le meilleur lieutenant de tous les de cette année en playoff pour l'instant. Depuis le début, il n'a pas fait un match sans. Et il est incroyable dans son rôle. Tu vois, le match dernier, il met 30 points à 11 sur 14 au tir. Enfin, c'est impressionnant la dévotion et la qualité de ce que Al Horford a. En fait, que sous le maillot de Boston, parce que sinon, il ne fait pas des bonnes saisons. Mais apparemment, Doc Rivers. Je parle en connaissance de cause. Apparemment, Doc Rivers le signe à 200 millions sur 3 ans l'année prochaine. Spoiler. Il a vu, il a dit ok, c'est bon, je le prends direct. Michael Jordan. Non, mais en vrai, c'est vrai qu'Al Horford, c'est le factor X de Boston. Hein. Ouais. C'est... Quand il est dans son match, il peut. Et puis personne s'y attendait en fait à Al Horford. On sait très bien ce qu'il peut apporter, autant défensivement surtout. Mais en plus de ça, quand il a des pourcentages au tir où il tire à 5 sur 7 à 3 points et où il met dedans, ça devient un joueur vraiment chiant en fait. Parce que tout le temps, Giannis, il a vraiment du mal à jouer quand c'est à leur force qu'il défend dessus. Et ça, ouais, du coup, quand tu connais l'importance du rôle de Giannis. Le joueur qui est Giannis, forcément, si lui, il arrive à réduire un peu son impact, forcément, Boston, ça prend des matchs. Donc, ouais. La série est à égalité, alors que Milwaukee avait pris l'avantage du terrain d'entrée. Ouais. Voilà, franchement, les équipes gagnent à l'extérieur, gagnent à domicile. Donc en fait, c'est pour ça que c'est vraiment compliqué de déterminer un vainqueur. C'est assez imprévisible, ouais, je suis d'accord. L'avantage du terrain qu'a Boston, en fait, ne veut plus rien dire, a priori. Parce que les deux équipes arrivent à se renvoyer la balle à la domicile comme à l'extérieur, ça ne change rien du tout. Ça va plus être la gestion du momentum et la dynamique de l'équipe. Ouais, tout à fait. Et en plus, sur les deux premiers matchs, il y a un blowout de chaque équipe. Et des écarts. Et à Milwaukee, c'était deux matchs serrés qui ont donné deux vainqueurs différents. Donc on peut même pas se fier à ça non plus. Les deux équipes se mettent des runs et arrivent toujours à revenir dans le match. Et du coup, pour moi, c'est peut-être c'est la meilleure demi-finale. Je trouve de ces playoffs. En tout cas, avec l'intensité, il y a les actions clutch, il y a la défense, etc. En vrai, je trouve que c'est la série la plus qualitative de ces demi-finales de conf. Ouais. En tout cas, c'est celle qui me plaît le plus, perso. Ouais, non, je suis là-dessus, je te rejoins aussi. Du coup, vous mouillez-vous un peu, qui passe? Moi du coup je vois les Bucks passer, je voudrais que ce soit les Bucks qui passent parce que en finale de conf je voudrais voir la série Bucks contre Miami, ouais. La revanche encore une fois, parce que je pense que Miami ils sont très très remontés par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier et ils ont envie de jouer des coudes contre les Bucks de cette année. Et du coup ouais, je voudrais que ce soit les Bucks qui passent en plus de le fait qu'ils aient perdu Middleton leur donne un vrai handicap. Et vu comment la série est serrée, je pense que Middleton, évidemment, sans doute leur donnerait l'avantage pour pouvoir passer. Je pense que ce serait plus simple avec lui, forcément. Bah ouais, c'est logique. Et donc pour moi, ils méritent de passer. Je dis pas que Boston ne mérite pas, attention, hein, l'équipe est incroyable. Mais voilà, moi je suis Go Milwaukee. Vincent. Go Milwaukee 4-2. Moi... Allez, je me mouille. Moi... Ah oui, 4-2 toi, oui. moi je vois 1000. Bon, en même temps, de toute façon, maintenant il n'y a plus que 4-2 ou 4-3. Hein, on va pas se mettre. Voilà, bien joué, Vincent. Vite fait. Mais du coup, vu que tu as dit 4-2, moi je vais dire 4-3. Hein. Ah, mais je vois Milwaukee aussi. Pour moi, je vois Milwaukee aussi. Je vois Milwaukee et je vois Milwaukee gagner les deux à Boston. Et ah, perdre ouais. Celui chez eux donc. Ouais. Ok. Putain, propre. La win à Boston, perdre chez eux et win à Boston. En vrai, c'est fort. J'aime bien le scénario. Ça serait vraiment fort, pour moi, Milwaukee, c'est... Alors après, c'est vrai que ça dépend pas que de... Le truc, c'est qu'il y a beaucoup plus d'armes, pour moi, offensives, côté Boston. Il y a plus de mecs dans... Enfin, Je veux dire ouais, que. C'est plus réparti, plus collectif. Voilà, c'est ça, en fait. Parce que Giannis, voilà, c'est tout passe c'est par le Giannis, meilleur joueur. Quasiment. C'est ça. Et puis même, le jeu passe par lui. C'est-à-dire que c'est lui qui déclenche les prises à deux et qui lâche les ballons et c'est aux autres de mettre les tirs. C'est pas les autres qui créent trop. Effectivement. Et du coup, c'est ça qui fait la différence. Ouais, ouais. Mais je vois quand même Milwaukee passer, du coup. Eh bien, moi, je vous suis. Donc, du coup, vous pouvez tous parier sur Boston gagnant de la série. Moi aussi, je pense que Milwaukee va passer. Et bah, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et juste, je rajoute que. C'est comme argument, pour... ça. Bah ouais, mais je pars, ça sert à rien de redire les mêmes choses. Non, je pense. Mais par contre, je pense que du coup, l'année prochaine, Boston va être incroyable. Ouais, il y a de grandes chances. Pour moi, Boston, tu vois, alors, c'est dur. Enfin, je vais pas dire qu'ils sont trop jeunes encore. Mais. Ouais, si, mais... ça joue un peu. Ils ont de l'expérience, mais la plupart, ouais, sont encore des gamins. Hein. Tatum, il a quoi? Il a 26, 25, 26 ouais, ans. Il est pas vieux. Il est pas vieux. Avant, hein. Il a 24 ans. Non, il doit avoir 25. Tatum, il fait 25. Quoi là? Il rentre dans son prime? Est-ce que Tatum débute son prime? Oui. Parce que dire que Tatum débute son prime, ça fait peur. À peine. Oui. Pour moi, il débute tout juste. Hein. Je pense. À peine, ouais. Ah bah, j'ai hâte de voir son plafond. Il a 24 apparemment, ans. Il a 24, ok. Il a apparemment, Kevin Durant va à la facilité et signe à Boston l'année prochaine. Comme il a fait à Golden State. Salut KD, petit tacle par derrière, t'inquiète, c'est gratos. 4-0 et il signe à Boston. Imagine. Oh là là, catastrophe. Après avoir pris un 3-1 lead et aller à Golden State. Hein. Le mec est pas chiant. Hein. Oh le chien. Non mais oui, du coup, ouais, moi je pense que c'est peut-être un peu trop juste pour Boston en termes de maturité, mais par contre, très fort l'année prochaine, à mon avis, si l'effectif bouge pas trop, ça va être une dinguerie Boston dans les années à venir, et Tatum, ton heure de gloire arrivera prochainement, mais laisse Giannis aller en finale NBA peut-être. Du coup, on passe à l'Ouest, les gars. Du coup, on a la série entre Memphis et... n'importe quoi, Memphis. Entre Phoenix et Dallas. Donc Dallas qui a perdu le match 5, qui s'est aussi fait exploser. Donc alors ça, moi, oui, je vais en parler de suite parce que la semaine dernière j'ai dit comme quoi pour que Dallas puisse gagner il fallait qu'on ait un Doncic avec au moins 70 points. Et ben en fait pas du tout. En fait il s'est fait qu'il en mette que 24. En fait on est vraiment des brêles. Ouais. En fait il suffit qu'il mette seulement 24 points, donc ça c'est un dans ma 45. Lucas, calme-toi. Mais surtout, en fait, il suffit d'avoir un collectif qui rentre un peu dedans et qui se mette à jouer au basket. C'est ça, Dorian Finney-Smith. Voilà. Non, mais, par exemple, non, pour mais, citer. On est d'accord qu'au final, en fait, c'est vrai qu'on l'a dit la semaine dernière qu'il faudrait un Doncic extraordinaire, machin, alors que le mec venait de sortir une perf à 45 et une perf à 35. Sauf qu'en fait, du coup, il faut pas une perf incroyable de Doncic. Au scoring, en fait, il faut une perf incroyable de Doncic, mais comme il a l'habitude de faire, avec 12 passes d'ess, parce que c'est les ça. Mecs, ils viennent frapper, parce que s'il frappe pas, bah, il va mettre 2 points. Et par contre, du coup, les autres, c'est aux autres, en fait, de faire les différences, c'est aux autres d'être bons. Et sur le match, moi, j'ai regardé le match 3, il me semble. Le 3, c'était. Dimanche soir. Ah non, donc c'était le 4, match 4. Le match 4, du coup, où en fait les mecs autour de Luka Doncic, et ben en fait les mecs ils sont bons et ils mettent dedans. On voit Dorian Finney-Smith qui fait 5 sur 7 à 3 points, je crois. Non, 8 sur 12 à 3 points dimanche. Ouais, très solide. Mais en fait, le plan de jeu de Dallas, et pour le coup, il convient parfaitement à Luka, en même temps, tout est basé sur lui. C'est que Luka prend la balle, s'il y a une trappe à 2 sur lui, il fait la passe au joueur qui est tout seul. Mm-hmm. Et du coup, Phoenix, ils ont dit, bon, bah, les gars, on arrête les trappes à deux et on joue le 1 contre 1. Et du coup, Luka, s'il peut jouer son match-up parce que le mec est plus petit, parce que le mec est moins technique, par exemple, on a vu une action face à Chris Paul. Chris Paul qui est trop petit pour Luka, il arrive à l'enfoncer, il se retourne, Luka arrive à marquer. Et si le match-up est trop compliqué, parce qu'on est sur un meilleur défenseur, par exemple, Bridges, et bah, du coup, on va chercher l'écran, on attend que ça switch, et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait un mismatch, et Luka, ensuite, peut continuer, soit à faire ressortir la balle pour qu'on ait un shoot extérieur, ou alors un mec qui va pénétrer, mais du coup, un mec qui va se retrouver tout seul parce qu'il ne trappe pas deux sur Luka, soit Luka va jouer son mismatch. Bah, sur les deux matchs qu'il gagne à domicile, il frôle le triple-double à chaque fois, avec 26 points. C'est ça. Et après, il y avait 13 rebonds au match 3, et 9 passes, je crois, et au match 4, 26-7-11. Donc... c'est quand il joue comme ça, de toute façon, il est monstrueux. Bah, de toute façon, quand il met 45 points, il est monstrueux. Ouais. Par contre, là, en revanche, mieux quand Dallas gagne. Ouais, c'est ça. Là, en revanche, retour à Phoenix, les joueurs de Dallas, sans doute trop jeunes et pas assez d'expérience, du coup, ils prennent peur quand c'est pas leur public et les C'est shoots ça. rentrent plus. Les shoots rentrent plus et tu prends 30 points, quoi. 110-80, ça pique, hein. Ouais. Ça pique. Ouais, Luka sort quand même son match, hein. 28 points, 11 rebonds. Pas dégueulasse au tir, mais. On sait très bien que Luka il sortira toujours son match, hein, dans la production, il sera toujours présent, hein, ça c'est pas un problème. Hein. C'est ça. Après le match 4, il me semble qu'il y a eu une stat, c'est le troisième meilleur scoreur de l'histoire en 20 matchs de playoff. Ouais, Sur j'ai vu 20, ça aussi. sur 20 matchs de playoff, c'est lui qui a le troisième plus gros total de points derrière Will Chamberlain et Michael Jordan. Deux joueurs lambda, mais ça parle un peu, quoi. Tout à l'heure, je Bah, disais que Butler était peut-être sur le podium des meilleurs joueurs des playoffs. Je Luca sais est pas de vous, ce mais... que Tu vois, pour le coup, moi, j'ai Tatum et Giannis qui sont sur le podium également. Luka, je le sors parce que offensivement, il est incroyable. Mais en fait, les efforts défensifs, on a montré qu'il n'était pas suffisamment présent. Et jusqu'ici, c'est la défense qui fait gagner des titres. L'attaque, ça y fait gagner des matchs, mais ça suffit pas. Donc, il discute quand même là-dessus, je suis d'accord. Mais moi, je préfère mettre un Butler, par exemple, en troisième sur ce vote-là. C'est un moi je titre fictif, hein, mais... Moi, je mets Luka et Giannis avec Butler. J'enlève Tatum. Ok. Même Tatum est si c'est incroyable. monstrueux ce qu'il a fait. De Tatum est incroyable. toute façon, ils sont tous Et forts. Hein. ils sont tous incroyables, hein, au ça final, c'est c'est... pareil. On n'en parle pas, mais Devin Booker, c'est pareil. Ah bah oui, Ouais, regarde, mais il en fait, 28 c'est points, tellement 3 quarts-temps collectif. cette nuit. C'est tellement collectif côté Phoenix que ça se remarque pas. C'est Ouais, moche, tout à hein, à fait. dire, Mais au mais... final, on regarde Devin Booker, c'est incroyable ce qu'il fait, en fait. Ouais, non, mais je C'est suis d'accord, incroyable ce hein. qu'il fait. Parce que c'est pareil, il est jeune, Devin Booker. Devin Booker, il a 25 ans, 26 ans. Non, mais moins que ça. C'est. Non, il est de Non, non. 96. Il est de Ah, ok. 96. Ok. Donc, ma génération, c'est moi qui lui ai tout appris quand Il même. a 25 Ouais, ans. Il en prend donc 26 cette année. il va en prendre 26 cette année. Il est de 96. C'est ce que j'ai. Lui, Il est c'est pareil, hein. exactement ça. Dites-vous que lui, il rentre dans son prime, hein. Putain. Ouais, c'est chiant. Et quand tu rentres dans ton prime alors que t'as déjà fait des matchs à 70, bon. Quand tu rentres dans ton Bah. prime et que tu mets 28 points en 3 quarts temps, bon. Tu te dis, Bon. qu'est-ce qui va se passer? Ouais, clairement. Donc, Quand tu oui, rentres dans clairement, ton prime et c'est. que tu es le franchise player D'une d'une équipe qui est équipe, première à l'Ouest. c'est ça, de la première de la NBA avec seulement 18 défaites. Bon. Ah, c'est pas dégueulasse. Par contre, du coup, on a parlé de Jokic tout à l'heure. J'ai à Monty Williams aussi Oui, que je qui a l'avais. été coach Ça, de l'année, du coup. je l'avais vu. Alors, on va pas se mentir que c'est pas une surprise tant que ça, parce qu'au final, le mec, il l'avait jamais eu. Là, il est premier de la ligue, avec Saison une équipe qui historique. tourne, même avec Booker qui s'est blessé pas mal, Chris Paul qui a manqué des matchs, tout ça. Il a réussi à composer et il finit premier de la NBA. Donc, franchement, c'est pas une surprise. Non. Mais du coup, bravo à lui parce que c'est quand même toujours un honneur d'être coach de l'année. C'est clair. Et du En coup, succédant RIP à Taylor Jenkins qui a sans doute raté le coach pour le choper ce titre-là. Ouais. Et en succédant à un grand, grand, grand coach des Knicks, Tom Thibodeau. Qui a très bien confirmé cette année. Je comprends pas cette année Magnifique. pourquoi il est pas dans le top 3, c'est incroyable. La NBA, c'est nul. Sincèrement. Vendu! Vendu. C'est payé comme a dit Luca quand il est sorti, c'est sur je sais plus si c'est sur une faute ou je sais pas quoi, il sort et il fait comme ça parce que les arbitres il est pas d'accord en mode ils sont payés, cet enculé. Et lui c'est pareil, par contre il aime bien parler, hein. Il Il en parle beaucoup, il parle il en prend des techniques, beaucoup. hein. Oh ouais, Il en il en prend. prendra d'autres certainement. Ouais, c'est clair. Et du coup on arrive sur la dernière série des Alors, est-ce qu'on playoffs ferait en pas nos cours. Ah oui, pardon, pronostic. pronos avant, ouais. Effectivement, prono, bien vu. Prono, bah moi pour moi Phoenix, là il confirme le prochain match et ça fait 4-2. Phoenix 4-2 à Dallas. J'ai envie de Ouais. dire ça aussi, le momentum est trop côté Phoenix. Là, Dallas, ils ont perdu la ouais, Dallas, ils ont perdu la confiance, je pense, sur cinquième match. Là, ça va être compliqué pour eux, match 6, même si ça se passe chez eux. J'ai envie de dire Game 7, mais Phoenix quand même. Ok. Et donc, dernière série, Memphis Golden State. Tu prends mon rôle comme ça, toi. Ouais, je te pique la vedette Vas-y, je t'en prie. avec un Ja Morant absent, malheureusement. Il manquait que lui pour pouvoir égaliser là dans ce quatrième match. Il était à 39 points de moyenne, c'est ça? Là, il est à Ouais. 38-3. Ouais, c'est ça. Putain, fait chier, quoi. Ils abusent. C'est très Ouais. beaucoup. Bien joué, C'est vrai Jordan que Poole. j'ai pas parlé de Ja Morant dans les meilleurs joueurs de ces playoffs. Enfin, pour le coup, On aurait pu 38 le points, 8 mentionner. passes D, c'est pas trop déconnant quand même. c'est ok. C'est ça, okay. Ça se mentionne. À 12 ans, ça se mentionne. À 12 ans. le mec a même pas eu. Le mec a même pas de dents de sagesse encore. Hein. C'est il boit au biberon, cet enculé. Il y en a, ils ont un talent fou, c'est dingue. Petit jeune en plus. Magnifique. Enfin bref, on n'est pas là pour sucer la bite de Jamorant. On est là pour parler de la série et les Warriors qui gagnent 3-1. Les Warriors qui ont du coup plié ce Game 4 sans notre cher Jamorant du coup à domicile chez eux. Et du coup, là, c'est assez compliqué pour Memphis, à mon avis, de retourner la situation sur un 3-1. Ça va être assez compliqué. Sachant que, bon, après, ils jouent deux fois à domicile. Ça peut aider. Ouais, ils jouent deux fois à domicile, mais est-ce que le deuxième match sera nécessaire? Bah, moi, je pense pas. Moi, je pense que là, ouais, c'est compliqué. C'est plutôt compliqué. En soi, sur ce quatrième match, Memphis, ils déméritaient pas. Hein. De toute façon, on avait vu dans la saison que même sans Jamorant, ça reste quand même une très bonne équipe parce que défensivement, ils sont très très bons. C'est ça. Mais Curry a pris chaud dans le quatrième quart-temps et en fait, il a fait trop mal, malheureusement. Les trois points sont rentrés. Et c'est ce qu'a fait la diff. Parce que sinon, Memphis, en fait, ils pouvaient prendre ce match. Ils étaient devant tout le match. Hein. Ils ont, ouais, les Warriors prennent le lead à 45 secondes de la fin. Ouais, ils ont été devant pendant 47 minutes 15, les Grizzlies. 47 minutes et 15 secondes. Donc c'est sur fou. Un match de 48 minutes, bah, ça fait plus que 45 secondes. Oui. Donc les Warriors ont mené 45 secondes avec un Curry qui a pris chaud, qui a mis 18 points dans le dernier carton. Bon, dans sa splendeur. Je pense que c'est là où même ça va être très dur pour Memphis, c'est que même en ayant fait un très bon match collectivement, ils ont perdu quand même. Bah ouais, quand ton franchise player qui d'habitude met les 15 derniers points de ton équipe dans le quatrième quart-temps, bah quand il est pas là, ça change la donne quoi. C'est ça. Donc là tu. Donc autant l'équipe est défensivement incroyable, mais c'est dur. Le match 5 à Memphis, est-ce que le public peut les transcender pour aller remporter? J'espère. Je pense eux. Que le game 5, Memphis va pouvoir le prendre. Mais ça finit 4-2, hein, je pense, au maximum. Mais je pense que ça finit 4-2 après retour à Golden State. Golden State termine ça. Je pense qu'en fait, l'expérience de Golden State, avec les titres qu'ils ont accumulés, le nombre de playoffs qu'ils ont fait, etc. Memphis, ils sont encore trop jeunes pour la plupart. Les playoffs, ils connaissent pas. Enfin, ils ont fait une apparition l'an dernier, mais enfin, ils n'ont pas fait long feu. Ouais. Là, ils se font leur expérience, mais du coup, côté Golden State, c'est trop expérimenté pour leur laisser une chance. Je suis plutôt d'accord avec ça, ouais. Alors que Golden State, ils ne jouent pas des pourcentages incroyables. Hein, quand non, tu non, regardes, ils sont dégueulasses. Ils shootent à 32% à 3 points. C'est pas extraordinaire. Hein, et du coup, le volume est assez grand hein, quand même. Oui, le volume est énorme. Le volume au est Game énorme 4, parce c'est que... le seul match où Golden State est en dessous des 50%. Hein. Ils font un match plutôt dégueu où ils sont 9 sur 37 à 3 points. Collectivement. Non, je parle pas des 3 points, je parle au shoot global. Ah, c'est le seul match qu'ils font en dessous des 50. Tous les 3 premiers matchs, ils sont au-dessus des 50% de réussite. Ils sont à 40%, 36 sur 90. Mais parce que il me semble que le match 2, c'est Poole et Thompson qui. Non, le match 3. Poole et Thompson, il me semble qu'ils font 0 sur 10 à 3 points au cumulé. C'est dégueulasse. Ah ouais, 3 points, c'était pas beau. Ouais. Moi, je dis 4-2 pour Golden State. Je pense que Memphis prend le prochain chez eux. Avec une belle défense de la part de Memphis. Un match serré, mais que Memphis va remporter. Et ensuite, retour à Golden State. Et je vais pas dire une branlée, mais on va être sur un petit blowout, sachant que Jamorant est annoncé techniquement comme absent jusqu'à la fin de ses playoffs, a priori. Malheureusement, oui. Donc, retour à Golden State et un match avec 20 points d'écart, peut-être, un truc comme ça. Ouais. Ok. Et Vincent? Moi, je vois 4-1. Le prochain match. Ouais, pour moi, c'est fini au prochain match. Et Memphis, et du coup, Golden State va pouvoir se reposer un peu, j'ai envie de dire, mais même pas tant que ça, parce qu'à mon avis, ça va finir vite à Dallas de l'autre côté. Enfin, à Phoenix, du coup. Non. Non ça, l'autre série va vite se finir, quoi. Ouais, l'autre série va. Voilà, ne m'emmerdez pas. Là, l'autre série va vite se finir, donc du coup, on va vite arriver sur les finales de conférence avec un petit Golden State Phoenix qui peut être vraiment sympathique, parce que ça va être deux oppositions de style, j'ai hâte de voir ça. Yes. Clairement. Et du coup, moi, je vois un 4-2 parce qu'il faut qu'au prochain match, Jaren Jackson Jr. fasse un gros score TTFL. Donc, donc match 5 remporté par Memphis et Game 6 clé, comme j'ai dit la semaine dernière, pour terminer tout ça. Yes, j'avoue, j'ai pas pensé au Game 6 clé. Ouais. Ça ferait plaisir de voir un vrai retour de clé. Un 30 points, ouais, 100% au tir, tu vois. Genre un 37 points, un carton. Un match à 35 points, mais que deux dribbles dans tout le match. Il a fait 60 avec 4, donc bon, ça va. Je crois que c'était 4 dribbles. Ah, il me semble que c'est 11. Ouais. Enfin bref, c'est déjà monstrueux. Non, il me semble que... Alors attends, il y avait un truc, je sais plus. Je veux retrouver ça, bouge pas. non, cette anecdote sur ce match-là, là, c'est qu'il avait mis 60 points en touchant la balle que 1 minute 30. Ah oui, en ayant la balle dans les mains, 1 minute 30. Ouais, bah mais bon, vu le catch and shoot. Il a eu la balle dans les mains, 1 minute 30, le mec, et il en a mis 60. Il a fait 11 dribbles. Ah, 11 dribbles, ok. Ouais, ça devait être 4 dans le carton, du coup. Ouais, c'est possible, ça devait être un truc comme ça. Mais de toute façon, le mec, on sait très bien, lui, c'est un malade mental, hein, c'est un lance-flamme. Quand il est parti. Il y a le 37 points en carton contre les Kings, à 13 sur 13 au tir et 9 sur 9 à 3 points. Ce Clay Thompson-là n'est pas encore revenu. On l'attend. Ouais, mais on l'attend. Parce que franchement, ce truc. Par contre, s'il revient, la série contre Phoenix va être. Parce que du coup Bridges c'est un fort défenseur mais il peut pas défendre sur tout le monde. Après on a d'autres défenseurs, hein, parce que Chris Paul c'est un vrai défenseur mais il est petit. Ouais, mais sur Curry c'est pas grave. Paul sur Curry et tu mets Michael Bridges sur Thompson. Ouais, moi j'aurais fait l'inverse. Après il y a Jordan Poole. Ouais. Oui. J'aurais fait l'inverse. C'est là que ça fait chier de pas avoir Gary Payton 3 du coup. Ah bah ouais, ça va faire mal à côté. Ça va faire mal. On part sur les perfs de la semaine, les gars. Qu'est-ce qui vous a séduit cette semaine, votre coup de cœur? Al Horford qui s'est transformé en Tim Duncan. Ça me fait tellement plaisir. Bah vraiment, hein, parce que pour le coup, regardez le dernier match, les gars, c'est vraiment Tim Duncan. Ouais. C'est une masterclass. À 5 sur 7 à 3 points en plus, incroyable. Enfin, bref. Moi, c'est le gros match de James Harden. Ok. Et Sur le game 4. 4 dimanche. Ouais. Game 4, ouais, tout à fait. Où il a fait un gros match, ça fait plaisir de le revoir. Hein, comme où ça, il a montré que c'était pas un role player. Exactement, il a montré que c'était pas un 12e homme, comme on l'a dit. C'est ça. Et ben moi, c'est le match, du coup, le match 4 entre Boston et Milwaukee, la paire Tatum-Brown. C'est Horford-Tatum plutôt. Horford-Tatum, ouais. Je complète avec Tatum, qui, du coup, les deux mettent 30 points. Ouais. Tatum qui met 30, 13, 5. À 45% au tir. Enfin, il a été très bon. Et du coup, ouais, c'est globalement le match de Boston, en fait, sur ce match 4. C'est ça, ma perf. Parce que collectivement, ils ont été fous. Donc voilà. C'est ainsi que se termine cette émission. On espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter. Il y a aussi les autres podcasts du label Podcast, à savoir Culture Ims, L'Actu dans le Bahut et BPcast. N'hésitez pas à aller jeter une oreille à ces podcasts fort sympathiques, notamment du coup l'émission qui sort demain de Culture Ims, qui est une vraie masterclass de la part des gars. Donc allez checker ça, je peux pas trop en dire vu qu'on sortira jeudi la veille, donc allez regarder ça demain. On se retrouve la semaine prochaine pour les actualités des playoffs, normalement des finales de conf, potentiellement. Donc ce sera beau, ça. On espère que les pronos sont bons, et si vous voulez gagner de l'argent, ne pariez pas sur nous. Vive le basket. Tu voulais l'ajouter? C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, et surtout, écoutez bien, parce que tout ce qu'on a mis, il faut mettre la maison sur le contraire. C'est ça, de ouf. Vive le basket, vive la NBA, ciao! Salut tout le monde.